j'ai rencontré ces deux garçons perdus. Mais ma meilleure amie ne me reconnaît plus. Pendant que l'un m'attend au coin du bar de tabac, l'autre m'en bat tendrement juste en bas de chez moi. Perdu, j'suis perdu. Ouh, perdu, j'suis perdu. Perdu, j'suis perdu, j'suis perdu. Entre deux hommes perdus. L'un d'eux est jeune et beau et m'emmène au ciné. Me fait danser la nuit, me couvre de baisers. L'autre la quarantaine, c'est plutôt des restos. Des grandes soirées mondaines et dîners, les expos. Je sais ce que vous pensez, mais est-ce ma faute à moi? Si j'aime dans chacun d'eux ce que l'autre n'a pas. Perdu, j'suis perdu. Ouh, perdu, j'suis perdu. Perdu, j'suis perdu, j'suis perdu. Entre deux hommes perdus. J'suis perdu, entre deux hommes perdus. Tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Moi je serai heureuse et la tête serait ronde. Sans aucun complexe, je couchais dans le lit au du dernier des deux qui m'emmènerait chez lui. Mais malheureusement mon cœur est fait comme ça, que je peux me donner qu'à un homme à la fois. Perdu, j'suis perdu, j'suis perdu, j'suis perdu. Perdu, j'suis perdu. J'suis perdu, entre deux hommes perdus. Mais ma petite maman ne me reconnaît plus. Pareil qu'il y en a qui soudent seul dans la vie. Je lancerai de ma place si elles ont mon envie. Perdu, j'suis perdu. Ouh, perdu, j'suis perdu. Perdu, j'suis perdu, j'suis perdu.